France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire de la création du Festival de Cannes. Quand on parle de Cannes, on pense soit station balnéaire, soit, et plus souvent, croisette, marché, tapis rouge, star, tenue de soirée, palace, jury et palme d'or. Cannes est connu dans le monde entier pour son festival. Bien. Mais comment est-il né? Eh bien, d'une opposition politique à la Mostra de Venise, le grand festival de cinéma des années 30. Dans l'Italie fasciste de Benito Mussolini, les voisins allemands Adolf Hitler et Joseph Goebbels, alliés politiques, parviennent à influer sur le palmarès de la Mostra 1938. La coupe Mussolini revient au dieu du stade de Leni Riefenstahl, cinéaste titré du Reich. Les fascistes récompensent les nazis, rien d'étonnant. Alors les Français se disent, et pourquoi pas nous créer un festival alternatif? Tout Hollywood approuve cette idée, les démocraties se soutiennent, légitimes. Mais le temps presse. Dès 1938, Adolf Hitler menace la paix en Europe et le cinéma n'est pas vraiment la priorité. Et pourtant, à Cannes, on se démène pour préparer la grande fête du cinéma avec l'aval et le soutien de l'un des personnages les plus glorieux du siècle dernier, Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Arts à l'époque. Notre invité aujourd'hui, Olivier Loub, historien et auteur du livre Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu, publié chez Armand Collin. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Mora, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Août 1939, Cannes, le maire de la ville, Pierre Nouveau, s'apprête à recevoir un invité de marque. Le train entre en gare, une image banale, mais tellement symbolique. Car l'homme de 75 ans qui descend de l'un des wagons n'est autre que l'inventeur du cinéma. En personne, oui, Louis Lumière. Une image qui rappelle aussi l'un des premiers films de l'histoire du cinéma, l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, tourné en 1896. 44 ans plus tard, Louis Lumière arrive à Cannes pour une nouvelle aventure du cinéma, un festival international. Il pose devant les photographes qui immortalisent ce moment historique. Lumière arbore un costume à rayures, une canne, un canotier et des yeux rieurs. Lumière a de la carrure et du charisme. Il a accepté la présidence d'honneur avec plaisir et il fait part de sa satisfaction aux journalistes de Radio Méditerranée. Je ne pensais pas avoir un jour le grand plaisir de participer à une manifestation regroupant, en provenance de tous les pays du monde, des réalisations magnifiques, aussi bien du point de vue technique qu'au point de vue artistique, véritable épanouissement d'un art dont le modeste scientifique que je suis guida les premiers pas. La France, et plus particulièrement la Côte d'Azur, était pleinement qualifiée par le charme de son climat et de ses sites pour accueillir les délégations venues de tous les points du globe. Alors que la visite commence, on lui montre le casino municipal transformé en salle de projection, 1000 places. Ensuite, le grand hôtel avec ses palmiers et sa flore tropicale, où Louis Lumière sera gracieusement hébergé pendant tout le festival. Dans la ville, c'est l'effervescence. Tout doit être prêt pour l'arrivée des festivaliers 3 semaines plus tard. Des stars américaines sont déjà en route sur les paquebots transatlantiques. Ce festival de Cannes, personne n'aurait pu l'imaginer un an plus tôt. Car un festival international du film, il n'y en avait qu'un, et il était à Venise. Venise, ses canaux, ses gondoles, sa place Saint-Marc, son pont des soupirs, son carnaval et sa mostra. Créé en 1932, ce festival de cinéma s'est imposé rapidement comme un rendez-vous incontournable pour les producteurs, les réalisateurs et les acteurs du monde entier. Et puis, avec sa toute nouvelle Cinecittà, l'Italie est une terre de cinéma. Avant Venise, il n'y avait pas de festival de 7e art. La Mostra crée la matrice, le modèle de ce que doit être ce genre d'événement avec ses projections, ses soirées en smoking, son palmarès. Au début, la politique n'a pas sa place à la Mostra. En 1937, c'est le film de Jean Renoir, La Grande Illusion, qui est projeté en ouverture du festival. L'occasion pour le public d'admirer la nouvelle star française, Jean Gabin. Extrait avec l'acteur qui annonce la reprise du fort de Douaumont par l'armée française en 1916. Lorsque la Marseillaise résonne dans la salle, le public applaudit. Ce film pacifiste et donc politique est un succès public et critique. Il remporte le grand prix du jury international. Un fait qui pourrait être cantonné au monde de la culture. Et pourtant, voilà qui énerve au plus haut point deux hommes, deux nazis, Adolf Hitler et Joseph Goebbels. Le ministre de la propagande considère ce film qui prône le rapprochement entre les peuples comme l'ennemi cinématographique numéro un. Il le fait interdire en Allemagne et dans son journal, il écrit à propos d'Amostra, il faut s'occuper de ce festival. L'année suivante, Goebbels compte bien prendre sa revanche. Les actualités italiennes s'en font l'écho. Le ministre de la propagande du Reich, son Excellence Joseph Goebbels, accompagné du ministre de la Culture populaire et du président de la Biennale et de la Mostra du cinéma, le comte Volpi de Misurata, est à Venise pour présenter l'inauguration de la Mostra d'art cinématographique. Le cinéma, outil de propagande, devient un lieu d'affrontement idéologique et politique. La Mostra n'échappe pas à cette dynamique dans ce pays, l'Italie, dirigée par Mussolini. Et en cette année 1938, la Mostra va être le théâtre de fortes pressions politiques. Goebbels et Hitler veulent voir l'une de leurs productions récompensée, car elle met en scène la propagande nazie. Il s'agit des Dieux du stade de Leni Riefenstahl. Joseph Goebbels décroche alors son téléphone pour appeler le directeur de la Mostra, et il lui dit « Il faut donner la coupe Mussolini aux Dieux du stade ». Ce film documentaire à la gloire du régime nazi est tourné à l'occasion des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Extrait avec Adolf Hitler qui ouvre les Olympiades. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Je déclare les Jeux Olympiques de Berlin, célébrant les 11e Olympiades de l'ère moderne, ouverts. Voilà ce que dit Adolf Hitler dans ce film à la gloire de ces JO berlinois, film qui, soit dit au passage, est une œuvre artistique réussie. Sa réalisatrice allemande révolutionne la manière de filmer le sport grâce à des moyens colossaux, des innovations techniques et des angles de vue inédits. Les Dieux du stade, c'est aussi évidemment et avant tout un film nazi. Mais pour Goebbels et Hitler, le problème, c'est que la Coupe Mussolini ne récompense que des films de fiction. Or, les Dieux du stade sont un documentaire. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Goebbels trépigne et exige le prix le plus prestigieux. Les organisateurs le rappellent et lui proposent de créer un prix spécial. Hors de question, c'est le Grand Prix ou rien. Cette remise du prix est rejouée dans la fiction radiophonique intitulée 1939 Cannes édition 0, diffusée en 2014 sur France Inter. Et pour finir, la coupe Mussolini du meilleur film est attribuée ex aequo à Monsieur Goffredo Alessandrini pour Luciano Serra Pilote. Et à Mademoiselle Hélène Riefenstahl pour les Dieux du stade. Toutes mes félicitations. Dans la salle, c'est l'indignation. La Mostra récompense un documentaire nazi et un film fasciste italien mineur, primé uniquement parce que c'est le fils de Mussolini qui le produit. Pression politique, népotisme, les représentants des pays invités s'insurgent et s'indignent. Harold Smith, le représentant d'Hollywood, et Neville Kearney, le représentant britannique, démissionnent et quittent le festival, furieux. Dans son journal, Goebbels lui se félicite et explique « Notre cinéma s'est imposé de manière grandiose ». Si les Anglais et les Américains partent, les Français, eux, restent et se demandent comment réagir, comment marquer le coup. L'un de ses représentants, Philippe Erlanger, est choqué par ce palmarès. Dans le train qui le ramène à Paris, il a l'idée de créer un nouveau festival, une sorte de contre-Mostra. Des années plus tard, il s'en explique. J'ai pris le train le soir même, j'ai pas pu dormir, il y avait beaucoup d'événements qui m'empêchaient de trouver le sommeil. Et c'est alors qu'il m'est venu l'idée que la place était maintenant libre pour un autre festival qui aurait été, à l'époque, nous sommes en 1938, le festival du monde libre. Le gouvernement était très divisé. Il y avait ceux qui voulaient ménager l'axe et il y avait ceux, au contraire, qui voulaient y résister. De retour à Paris, Philippe Erlanger présente son idée au ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts de l'époque, Jean Zay. Figure du Front populaire, ce radical socialiste, Jean Zay, élu député à 27 ans, est devenu le plus jeune ministre de la République, à 32 ans seulement. Travailleur acharné, cultivé, humaniste, il est aussi cinéphile. Quand il a un peu de temps entre deux dossiers, il appelle sa femme pour aller au cinéma. Jean Zay, personnage raffiné, est vite séduit par cette idée de festival de films en France. Il la soutient et compte la présenter en Conseil des ministres. Mais lucide, il écrit « Je crains que cette idée ne soit pas la priorité du gouvernement. Nous sommes dans une véritable atmosphère de crise. » Depuis une auto ce matin, un homme m'a interpellé. Il m'a dit « Monsieur le ministre, est-ce la guerre ?» Dans les journaux, des sondages qui posent la question aux Français « Y aura-t-il la guerre avant la fin de l'année ?» sont publiés. Ambiance. En ce mois de septembre 1938 à Paris, on ne parle que d'une chose, la crise des Sudètes. Après avoir annexé l'Autriche au mois de mars, Hitler revendique désormais la région occidentale de la Tchécoslovaquie, les Sudètes donc. Alors, l'idée d'un festival international de films antifascistes circule dans les ministères. Mais la priorité est à la paix. D'ailleurs, une conférence est organisée à Munich à la fin du mois de septembre, conférence tristement célèbre, une réunion à quatre, Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie, qui exclut le pays concerné, la Tchécoslovaquie, qui n'est pas convoquée. Non, c'est entre grands qu'on décide. Le 29 septembre, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Sir Neville Chamberlain et Édouard Daladier sont rassemblés pour discuter. Une sorte de rencontre de la dernière chance, avant la guerre. Les actualités françaises couvrent l'événement. Sans perdre une minute, sans s'arrêter aux détails du protocole, les quatre chefs de gouvernement vont commencer leur conversation. Les drapeaux des quatre nations flottent sur l'édifice qui abrite les négociateurs. Mais une même volonté de paix semble animer ces hommes qui tiennent en leurs mains les destinées du monde. De retour en Angleterre, Chamberlain déclare « J'apporte la paix avec l'honneur ». En réalité, les Français et les Anglais ont abandonné la Tchécoslovaquie contre un accord sur les frontières. La paix, encore un peu, oui, mais jusqu'à quand ? À Paris, ce sont des dizaines de milliers de Français qui se rassemblent à l'aéroport du Bourget pour accueillir le retour d'Édouard Daladier. Et c'est l'effervescence. Pourtant, le président du Conseil s'attend à être hué après tout. Il vient de céder aux revendications de l'Allemagne nazie. Et pourtant, à sa descente sur le tarmac, c'est une clameur de joie qui traverse la marée humaine. Les Français voient Daladier en sauveur de la paix, lui et blême, surpris. S'il savait, aurait-il grommelé. Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères, lui est aux anges. C'est la victoire de sa ligne diplomatique. Il est le plus munichois des munichois, ceux qui sont pour le compromis à tout prix pour éviter la guerre avec l'Allemagne. En décembre, Bonnet va plus loin et un accord est signé avec Berlin. Le 6 décembre, il reçoit son homologue nazi, Joachim von Ribbentrop. Les deux hommes signent un accord d'amitié. Monsieur von Ribbentrop se rend au ministère des Affaires étrangères ou dans le salon de l'horloge et signe la déclaration franco-allemande. Le gouvernement français accepte toutes les conditions de Ribbentrop, y compris les plus abjectes, comme le fait d'écarter tous les juifs du banquet d'État organisé à Paris. Et puis, encore une promesse faite par les nazis, ils n'ont plus de revendications territoriales, les frontières ne bougeront plus. Mais au sein du gouvernement français, tout le monde n'adhère pas à cet esprit de Munich. Et deux lignes s'affrontent. Jean Zay fait partie des anti-munichois. C'est dans ce contexte pour le moins tendu que le projet d'un festival international du film organisé en France, en opposition à la Mostra de Venise, revient sur la table du Conseil des ministres. Georges Bonnet, artisan des accords de Munich, pense qu'il ne faut pas fâcher l'Italie qui pourrait être un allié en cas de guerre. Quelle lucidité ! En quoi le régime fasciste de Mussolini pourrait-il avoir des accointances avec les régimes démocratiques qu'il aborde ? Alors, ce projet de festival en France, poursuit Bonnet, mieux vaut l'oublier. La fiction radiophonique 1939, Cannes, édition 0, rejoue le dialogue entre Jean Zay et Georges Bonnet. C'est Jean Zay qui parle le premier. Vous redoutez que la création d'un festival de cinéma en France, concurrent de la Mostra de Venise, ne soit vécue comme un affront par le gouvernement italien. Vous redoutez de pousser ce même gouvernement dans les bras de l'Allemagne, dont les intentions hostiles sont chaque jour un peu plus claires. Hitler a promis à l'Europe une paix de 1000 ans. Oui, pourvu qu'on lui laisse violer tranquillement les traités par lesquels sont liées presque toutes les puissances de l'Europe. Et admettons, si votre monsieur Hitler nous a promis la paix, croyez-vous qu'il soit homme à changer d'avis pour quelques films que nous projetterions dans un grand hôtel de station balnéaire ou de ville d'eau ? Si certains croient en la paix ou veulent y croire, nombreux sont ceux qui redoutent la guerre. Mais ce n'est pas pour autant que l'industrie du cinéma est à l'arrêt. De l'autre côté de l'Atlantique, le réalisateur Victor Fleming a été appelé pour finir le tournage du Magicien d'Oz, dans lequel joue une jeune actrice, Judy Garland, qui sait aussi chanter. Chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Aujourd'hui, naissance du Festival de Cannes. France Inter, affaires sensibles. L'Allemagne continue sa marche vers l'Est. À l'aube du 15 mars 1939, le communiqué allemand fait connaître que pour assurer le maintien de la paix et l'ordre en Europe centrale, M. Hacha, président de la République tchécoslovaque, met avec confiance le sort du peuple du pays tchèque entre les mains du Führer du Reich allemand. La Wehrmacht fait à 10h du matin son entrée à Prague, où la suit, deux jours plus tard, le chancelier Hitler. 15 mars 1939, Hitler rompt sa promesse et envahit les régions de Bohême et de Moravie, en Tchécoslovaquie. 6 mois après les accords de Munich, méprisé ici par le dictateur nazi, la guerre est plus proche que jamais. La ligne de bonnet des Munichois est fragilisée. Non, on ne peut pas faire confiance à Hitler. Alors le projet de festival de films, qui avait été mis sous la pile, repasse au-dessus. Avec l'accord de Daladier, Jean Zé relance le projet. Il veut en faire une véritable contre-Mostra de Venise, un événement antifasciste. Il rassemble une équipe autour de Philippe Erlanger, mais le temps presse. Il faut trouver une date, et surtout un lieu. Entièrement mobilisé par la guerre, Jean Zé ne veut pas forcément débloquer des fonds pour un festival de cinéma. Le ministre pense qu'il faut se tourner vers des villes touristiques qui pourraient profiter de cet événement pour prolonger la saison estivale. Philippe Erlanger part donc pour un tour de France des repérages. La Normandie et Deauville pour débuter, la Côte Basque et Biarritz ensuite, pour enfin arriver sur la Côte d'Azur, à Cannes. Nous voici à Cannes. Cette luxueuse station balnéaire propose un cadre éclatant, dont le prestige pourrait surpasser Venise. Sur place, je dois trouver des soutiens, prêts à réunir les moyens nécessaires à la tenue d'un tel événement. À ce titre, j'ai pris rendez-vous avec M. Henri Gendre, qui passe ici pour l'hôtelier le plus influent de la ville. À la tête du syndicat des hôteliers cannois, Henri Gendre a eu vent du projet de festival. Et il a très bien préparé son dossier. Grâce à des relais à Paris et dans les ministères, il fait tout pour obtenir ce festival. Alors, cette visite d'Erlanger, il ne faut surtout pas la louper. De fait, il lui déroule le tapis rouge. Mais le comité organisateur décide de se tourner vers une autre cité balnéaire. Nous sommes à la fin du mois de mai 1939 et certains journaux annoncent Biarritz comme ville organisatrice. Alors le maire de Cannes, Pierre Nouveau, surenchérit pour doubler Biarritz. Il met à disposition le casino municipal pour projeter les films, accorde une subvention de 600 000 francs et propose d'héberger gracieusement les invités. Il assure même le risque financier d'un éventuel déficit du festival. Une proposition en or, quand on sait que la Côte d'Azur est déjà une terre de cinéma. Chaque été, la French Riviera attire de nombreuses stars et vedettes américaines. Cannes revient dans la course et finalement rafle la mise. Pendant ce temps, Jean Zay, cinéphile mais aussi américanophile, embarque sur le paquebot Île-de-France avec sa femme au début du mois de juin 1939 pour une visite de 10 jours aux États-Unis. Direction New York. Au programme, un peu de tourisme, statut de la liberté et gratte-ciel, un peu de mondanité. Le jeune ministre est fait docteur honoris causa à l'université de Columbia. Il est aussi reçu à la Maison-Blanche par le président Roosevelt. Et les deux hommes évoquent sans détour leur crainte pour la paix en Europe. Ce voyage est aussi l'occasion de faire avancer le dossier du Festival du film. Mais aux États-Unis, ce n'est pas Roosevelt qui dirige le cinéma, mais bien Hollywood et ses majors, la MGM, la Warner, la Fox et la Paramount. Et il se trouve qu'Hollywood, décidé à boycotter la Mostra, voit d'un bon œil cette initiative d'un festival à Cannes. À condition que la France décide enfin à lever les quotas sur les films étrangers diffusés dans les cinémas de l'Hexagone. Gilles Jacob, président du Festival de Cannes de 2001 à 2014, explique dans le documentaire « Cannes 1939, le festival n'aura pas lieu » réalisé en 2018 par Julien Ouguergouze, qu'il y avait effectivement une convergence d'intérêts entre Français et Américains. Pour une fois, il y avait conjugaison d'intérêts entre les intérêts économiques, politiques et cinématographiques. Tout ça convergeant dans le même sens grâce à l'initiative française et à l'appui très fort d'Hollywood avec un monsieur qui s'appelait Harold Smith, qui était le représentant de ce qu'on appelle la MPAA, c'est la Motion Picture Association of America, c'est-à-dire le groupement de producteurs qui exporte dans le monde entier les films, les produits américains, la civilisation américaine, depuis toujours. Hollywood domine le cinéma mondial, mais ne produit pas réellement de films de propagande. Non, pour vanter le modèle de sa société, le cinéma américain mise plutôt sur le grand spectacle, genre plein la vue. Hollywood vit alors son âge d'or, avec des réalisateurs comme John Ford, Charlie Chaplin, Walt Disney, Victor Fleming. Et en cette année 1939, les producteurs comptent bien envoyer en France leurs films pour le Festival de Cannes. Et l'un d'eux, c'est Le Magicien d'Oz, avec la jeune Judith Garland, extrait de cette super production en Technicolor. Êtes-vous une fée ou bien une sorcière ? Moi ? Oh, je ne suis pas une sorcière, je suis Dorothée Carter, je viens du Kansas. Oh, eh bien alors voilà la sorcière. Qui, Toto ? Toto, c'est mon chien. Bien, enfin c'est bizarre. Les Mécrosiens m'ont appelé parce qu'une autre fée a lancé une maison tout à l'heure sur la vieille sorcière de l'Est. Je vois la maison et je vous vois. Et ça, c'est tout ce qui reste de la méchante sorcière de l'Est. En somme, ce que les Mécrosiens veulent savoir, c'est si vous êtes une sorcière ou une bonne fée. À Cannes, la course contre la montre est lancée pour être prêt début septembre. On passe des accords avec la SNCF et Air France pour les transports. Tous les hôteliers se préparent à accueillir les festivaliers et on installe la grande salle de projection dans le hall du casino municipal. À Paris, un dîner est donné par l'Association des producteurs américains avec Jean Zay comme invité d'honneur. un accord a été trouvé pour assouplir les quotas de films étrangers qui peuvent sortir en France. Hollywood soutient Cannes en envoyant ses meilleures productions et ses stars, tout en s'ouvrant les portes du marché français, comme ça tout le monde est content. Jean Zay annonce le programme à la radio. Le festival, ne l'oubliez pas, durera du 1er au 20 septembre. La Côte d'Azur est un cadre unique qui permettra de faire connaître à nos hôtes une grande saison du cinéma telle qu'on n'en a jamais vu dans les autres pays. Du reste, les préparatifs se poursuivent activement à Cannes. Déjà depuis 4 semaines, l'équipe technique chargée de l'organisation du festival travaille à la préparation du cadre dans lequel il doit se dérouler. Il y aura aussi des galas de films. Oui, et en dehors de ceci, un programme de fêtes extrêmement important est prévu. Je présiderai le 1er septembre le dîner d'inauguration. Objectif, donc, 1er septembre. Alors que toute l'Europe craint la guerre, Cannes vit une parenthèse dorée sous le soleil. Les préparatifs se déroulent à merveille, et Louis Lumière a même accepté d'être le président d'honneur du festival. Le 6 août, il vient visiter les installations, comme nous l'avons raconté dans la scène d'introduction. Au même moment, la Mostra de Venise se prépare. Et surprise, certains pays qui vont annoncer un boycott envoient des films comme le Royaume-Uni et la France. Qui est représenté par La Bête humaine de Jean Renoir, Le jour se lève de Marcel Carnet et La fin du jour de Julien Duvivier. Ce dernier présente en cette même année 39 deux films, un à Venise et un à Cannes. Et de son aveu, il a envoyé le meilleur à la Mostra. De nombreuses stations sont conviées à cette première édition, nations sont conviées à cette première édition du Festival de Cannes, y compris l'Allemagne et l'Italie, mais qui déclinent. Extrait du règlement, lu à l'occasion du Festival de Cannes 1939 et rejoué à Orléans en 2019. Article 2. Son but est d'encourager le développement de l'art cinématographique sous toutes ses formes et de créer entre tous les pays producteurs de films un esprit de collaboration. Article 3. Chaque nation participante notifiera officiellement au secrétariat général du festival les œuvres qu'elle aura choisies en toute souveraineté pour la représenter. Au fil de l'été 1939, la liste des nations participantes s'allonge. États-Unis, on l'a dit, mais aussi Angleterre, URSS, Belgique, Pologne, Pays-Bas, Luxembourg, Suède, Pologne, et même la Tchécoslovaquie, qui n'existe plus à proprement parler, après avoir été annexée par l'Allemagne nazie. Le titre du film tchécoslovaque, La Grande Solution, qui s'est appelé aussi Histoire d'une dictature ou la peste blanche, est assez emblématique de l'époque. En voici le résumé. Un grand pays européen est sur le point d'envahir la Tchécoslovaquie. Motif, espace vital. Mais une maladie s'abat sur les hommes de plus de 40 ans et le dictateur en est atteint. Le seul médecin qui connaît le remède n'acceptera de le guérir que s'il déclare la paix dans le monde. On peut rêver, le cinéma sera ça. L'URSS présente également un film qui colle à l'époque. Titre « Si demain, c'est la guerre ». L'historienne du cinéma soviétique, Natacha Laurent, l'évoque dans le documentaire Cannes 1939. Le festival n'aura pas lieu. « Si demain, c'est la guerre », c'est un film d'anticipation, d'une certaine façon, et qui montre l'Union soviétique en guerre contre un envahisseur, qui est clairement l'envahisseur allemand. C'est un film qui promeut l'armée rouge et qui reconnaît l'héroïsme de l'armée rouge. Ce film raconte tout simplement que l'Union soviétique se bat contre l'Allemagne et qu'elle sort victorieuse de la guerre. Il voit, il prédit cette guerre à venir. Et la France dans tout cela? Eh bien, il faut l'avouer, la sélection est très moyenne. Mais l'enjeu est peut-être ailleurs, politique. Car ce festival, qui se veut antifasciste, va être l'occasion pour la France, la Belgique et le Royaume-Uni de vanter leur empire colonial. Autrement dit, colonialisme contre fascisme. Jean Zay lui-même insiste pour que soit présenté le documentaire intitulé tout simplement « La France est un empire ». Ainsi, 108 millions d'êtres humains qui ne demandaient qu'à travailler et à vivre en paix se sont dressés pour la sauvegarde des libertés du monde et pour l'honneur de leur drapeau. Défenseurs de l'intégrité de leur sol, ils lutteront jusqu'au bout pour que leurs enfants, en toute quiétude, puissent continuer à écrire continue à écrire « La France est un empire ». Dans le film, la caméra se fixe sur un enfant qui écrit cette phrase à la craie sur une ardoise. En ce mois d'août 1939, la Mostra de Venise démarre et à Cannes, on finalise les derniers détails. La saison touristique bat son plein et des vedettes du cinéma arrivent chaque jour sur la Côte d'Azur. Un paquebot transatlantique rempli de stars, affrété par la Metro-Goldwyn-Mayer, est en mer, avec à son bord Gary Cooper, Annabella, Norma Shearer et George Raftin. Marlène Dietrich, allemande engagée contre le nazisme, est déjà à Cannes, elle. Côté français, la française Michèle Morgan prend un bain de soleil sur la Riviera et sous l'objectif des caméras. Les Américains ont prévu de construire sur la plage une réplique de Notre-Dame de Paris. Oui, en hommage au film Quasimodo, qui sort bientôt en salle. Mardi 22 août 1939, Palm Beach de Cannes. C'est la répétition générale du festival avec la présentation des prix. Les voitures de luxe défilent, le champagne coule à flot. La foule se masse pour apercevoir des stars qui répondent à une chaîne de radio américaine. L'événement est retransmis en direct aux États-Unis. Les organisateurs ont vu grand, pas moins de 5 orchestres avec leurs 5 pistes de danse. Et en invité de prestige, la vedette française du musical, Fernandelle. On danse, on chante, on trinque et on célèbre la naissance du festival. Dans les airs, les feux d'artifice se mélangent aux éclairs de l'orage qui gronde et qui écourte la fête. Mais le lendemain, c'est la gueule de bois. Hitler et Staline ont signé un accord de non-agression. Le pacte germano-soviétique. Les nuages s'amoncellent. Vendredi 1er septembre, date d'ouverture du Festival de Cannes. Mais ce jour-là, un autre événement fait l'actualité. Le 1er septembre, à l'aube, les troupes allemandes attaquent la Pologne sans déclaration de guerre. Le peuple polonais tout entier fait face à l'agresseur. 1er septembre 1939, c'est le début de la catastrophe mondiale. Le festival est annulé, mort-né. Dans la foulée, la France et l'Angleterre déclarent la guerre aux nazis. Comme un symbole, Jean Zay, qui devait ouvrir le festival, démissionne et s'engage dans l'armée. Emprisonné par le régime de Vichy, Zay est assassiné par 4 miliciens le 20 juin 1944. Mort en criant « Vive la France !» Il lègue à son pays un héritage d'idées et de réformes dans le monde de l'enseignement, de la jeunesse, du sport et de la culture, donc un grand homme. Retour aux jours heureux, vendredi 20 septembre 1946. Grand soleil sur Cannes, la guerre est terminée, place aux festivités bien méritées. Le festival est relancé, et de quelle manière? Au programme, des stars à foison. Alfred Hitchcock vient défendre ses enchaînés avec Ingrid Bergman et Cary Grant. Jean Cocteau présente Jean Marais et Josette Day dans La Belle et la Bête. La cantatrice Grace Moore entonne la Marseillaise. Et les caméras des journalistes immortalisent les débuts du festival. Pour 3 semaines, Cannes est devenue la capitale du cinéma international. Et le festival, projeté avant-guerre, a rendu à Cannes l'animation des temps heureux. Sur la croisette, pavoisée aux couleurs des 19 nations participantes, la classique bataille de fleurs a préludé aux compétitions des maîtres films choisis dans la production de chaque pays. Dans cette compétition pacifique, quelle place emportera le cinéma français? Aux prises avec le cinéma américain, qui est peut-être venu défendre Grace Moore, et avec le cinéma soviétique. L'heure est bien à la fête. On veut tourner la page de la guerre, ce qui est tout à fait légitime. Mais ce n'est pas pour autant qu'on oublie la guerre. Non, on célèbre la résistance et les cheminots de la SNCF à travers, par exemple, la bataille du rail, réalisée par René Clément. Ce film remporte les 2 récompenses les plus prestigieuses. Le prix du jury international et le grand prix international de la mise en scène. Cannes et le cinéma débutent ainsi une longue histoire pleine de promesses et... Comme Edith Piaf, membre du jury du festival, les organisateurs voient la vie en rose. Chanson enregistrée quelques jours après l'événement cannois. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi. Alors je sens dans moi mon cœur qui France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, naissance du Festival de Cannes, notre invité, Olivier Loub. Bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Historien et auteur de, du livre Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu, livre publié chez Armand Collin, et vous intervenez en direct des studios de France Bleu à Toulouse, que nous remercions pour leur accueil. Alors, ce premier festival qui n'a pas eu lieu, eh bien, a ressuscité plus tard. Il y a eu un, donc le Festival 39, hein. Il y a eu un palmarès décerné en 2002 et je crois une recréation de ce festival à Orléans en novembre 2019. Vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement, en novembre 2019 à Orléans, on avait décidé de faire à nouveau, ou plus exactement vraiment, le Festival de Cannes 39. Et pourquoi Orléans? Bien sûr, parce que c'est la ville de Jean Zay et c'est pour ça qu'on l'avait refait là, avec Antoine de Bach en particulier. Alors c'est une sélection de qualité, le Cru 1939, parce que bien sûr il y a une histoire très particulière pour ce festival qui devait commencer au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale, mais le Festival de Cannes c'est d'abord du cinéma. Est-ce que la sélection était de grande qualité ? C'est une sélection absolument exceptionnelle, mais contrastée. Elle est exceptionnelle pour ce qui est de la sélection américaine. On a en effet les plus grands réalisateurs, les plus grandes actrices, les plus grands acteurs. Par exemple, on a effectivement la présence de James Stewart, qui était là pour l'exceptionnel film sur Mr. Smith à Washington. Et ça, c'est un film qui est resté comme étant un film majeur de l'histoire du cinéma. On a bien sûr, et vous en avez passé des extraits, Le Magicien d'Oz, de Victor Fleming, avec avec effectivement tout cet environnement musical qui est resté jusqu'à nos jours et qui à chaque fois nous ramène à 39. C'est moins vrai de la sélection française, là aussi vous l'avez signalé, il se trouve que par manque de chance, effectivement, les meilleurs films par exemple de Julien Duvivier sont plutôt à Venise qu'à Cannes. Malgré tout, les réalisateurs qui étaient dans la sélection française en 1939 sont des grands réalisateurs de l'époque, hein. Julien Duvivier, Jacques Feder, Christian Jacques, et puis malgré tout aussi, les vedettes qui étaient à l'écran du côté de ces films français, c'est pas moins que Michel Morgan par exemple, ou Louis Jouvet. Donc la sélection en elle-même était magnifique, du côté russe aussi, la Tchécoslovaquie, vous l'avez dit, est convoquée alors que ça n'est plus un pays, etc. Non, la sélection était déjà une très très belle sélection, contrastée par rapport à la postérité qu'auront effectivement ces films par la suite. Bien sûr, allez. À l'époque, dans les festivals, ce sont les pays qui choisissent les films qu'ils envoient. C'est un peu la Coupe du Monde du cinéma, quoi, à l'époque. Ah oui, c'est très étonnant pour nous. En fait, jusqu'à 1972, c'est un vrai festival international, au sens où c'est un festival où ce sont les nations, et presque exactement les États-nations, sauf les Américains, qui choisissent d'envoyer telle ou telle sélection. Alors, il y a malgré tout la possibilité de refuser le film d'une sélection étrangère qui pourrait porter atteinte à l'honneur d'un pays concerné, c'est de l'article 7 du règlement, mais hormis pour les Américains, ce sont les pays qui décident d'envoyer la sélection, et d'ailleurs ils envoient un nombre de films qui est au prorata de leur production annuelle. Les Américains ont droit à 12 films, les Français, les Britanniques et les Russes ont droit à 4 films par exemple. La taille critique. Peut-on dire que ce sont les Italiens et la Mostra quand même qui ont inventé le modèle de ce qu'est aujourd'hui un festival prestigieux de cinéma ? Oui, tout à fait. Le Festival international de films s'invente justement en 1932, 1934 avec la Mostra. Et le cinéma, d'ailleurs, le cinéma international est d'ailleurs particulièrement ravi. Pourquoi ? Parce qu'à Venise, il y a la reconnaissance d'un fait majeur pour tous ceux qui forment ce monde du cinéma. C'est le fait de dire que le cinéma est un art, puisque la Mostra s'inscrit dans ce qu'on appelle la Biennale. Et c'est la Biennale d'art contemporain. Et donc le cinéma vient se rajouter aux arts plastiques, à la musique, à la danse. Et personne n'avait envie de quitter Venise. Il a fallu le contrôle et la volonté de contrôle politique de Joseph Goebbels pour que les choses basculent. Oui, c'est là que le cinéma devient septième art. Alors, c'est presque au même moment qu'est créé Cinecittà. Racontez-nous ça, parce que c'est l'Hollywood européen finalement. Oui, absolument. Il se trouve que Mussolini, comme tous les hommes de son temps, mais particulièrement les dictateurs, a pris conscience qu'avec le cinéma, on a un art qui est un art dont on peut contrôler la production, l'émission, mais qui va toucher les foules. Quoi de mieux que comme média que de pouvoir... Alors la radio aussi jouera ce rôle d'une autre façon, mais la force d'entraînement des images est supérieure encore. C'est du moins la conviction de tous ceux qui vivent dans cette époque de l'entre-deux-guerres, mais particulièrement, j'insiste, les dictateurs qui cherchent à contrôler et à faire diffuser parmi la population, parmi les foules, ce qu'ils appellent les foules d'ailleurs, leurs idées et soutenir leur politique et leur propagande. Alors Mussolini est très très tôt intéressé par l'art cinématographique et très tôt il va dire qu'il faut que l'Italie, pays des arts par excellence, du moins c'est comme ça qu'elle est présentée, doit absolument se doter d'une cité du cinéma. Il va la faire construire du côté de la Via Appia à Rome et c'est là où il va y avoir ce formidable outil qui existe jusqu'à nos jours, vous le savez, où les réalisateurs étrangers, on peut penser à Martin Scorsese, travaillent assez régulièrement jusqu'à nos jours. C'est un outil extraordinaire. La différence, évidemment, avec Hollywood, c'est que c'est un outil d'État. Alors qu'Hollywood est un outil qui est effectivement construit major par major, grande usine cinématographique par grande usine cinématographique, la Paramount à ses studios, etc. En Italie, centralisation étatique, verticalisation d'un pouvoir de dictature. Oui, alors en France, les Munichois sont hostiles à la création d'un festival, donc à Cannes ou ailleurs, en tout cas en France, il s'agit de parler à ce côté peut-être les belligérants de demain, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Italie. Donc c'est quand Hitler envahit la Tchécoslovaquie que Cannes prend naissance, alors grâce ou à cause de la guerre, et c'est aussi à cause de la guerre qu'il ne voit pas le jour. Il y a une sorte de paradoxe de Cannes finalement. Oui, c'est un paradoxe. C'est le paradoxe qui reflète celui de ces temps troublés. En effet, les débats sont extrêmement forts. Qu'est-ce qui rend Cannes indispensable ? C'est l'irruption de la politique et du contrôle politique par les dictatures dans ce domaine de l'art que l'on pensait protéger. À tort, ça fait longtemps que des films de propagande sont créés, qu'ils soient du côté russe, avec très grand talent, du côté de Sergei Eisenstein, ou d'autres côtés par ailleurs. Mais Il n'empêche que, avec le contrôle en 1938 du palmarès de la Mostra, on voit bien que l'affaire est une affaire politique, et très exactement, on voit bien le déploiement, pour la première fois pour le cinéma, d'un soft power, cette fois-ci des dictatures. Il faut donc réagir à cela. Mais la question qui se pose au sein des opinions européennes du monde, qui s'appelle déjà le monde libre, c'est de savoir s'il faut réagir à un cran qui puisse être inquiétant pour les dictatures, ou bien s'il vaut mieux être dans l'apaisement, l'appeasement de Chamberlain et des Britanniques, comme le pense Georges Bonnet, ou alors s'il faut montrer les muscles, qui sont les muscles culturels, comme le pense Jean Zay, afin qu'il n'y ait pas la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, la guerre pèse à la fois sur les deux camps, munichois et anti-munichois. L'idée des munichois, c'est de dire ne fâchons pas ceux qui sont face à nous parce que nous risquons la guerre. L'idée des anti-munichois, comme Jean Zay, c'est de dire créons, par exemple, un festival à Cannes contre la Mostra fasciste pour dire que les nations libres n'ont rien à craindre et même représentent le vrai monde libre où pourra s'exprimer, se déployer l'art. Olivier Loup, on se retrouve après avoir goûté un chanteur qui est aussi acteur, Daniel Auteuil, les petites coupures. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font de grandes douleurs. Les petites morsures, les petites blessures, les simples déchirures font saigner bien des cœurs. T'es tombé amoureux, mon petit général, et l'amour t'a blessé, t'es tombé de cheval. Mais surtout tu t'en veux, en tombant c'est fatal. T'as cassé ton jouet, une épée sans la lame, vraiment ça la fout mal, mon petit général. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font saigner bien les cœurs. Les petites coupures, les petites brûlures, les simples éraflures font couler bien des pleurs. Dans ta vallée de larmes, mon petit amiral, tu appelles au secours les pompiers de l'amour. Ça la fout mal de nager aussi mal. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font de beaux souvenirs. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures vont te faire grandir. C'est une allégorie, mon petit Zachary, une esquisse, un croquis d'un instant de ta vie. Le jardin sous la pluie, des fines y continuent. Ta mère te l'avait dit, tes sœurs d'ironie, et ton père te crie. Affaires sensibles. Olivier Loum, je rappelle que vous êtes historien et auteur du livre Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu, publié chez Armand Collin. Alors, bien sûr, festival égale Cannes, mais on a pensé à d'autres endroits. On a pensé à Deauville, Biarritz, enfin que des endroits chicos, mais jolis. Pourquoi Cannes l'a emporté au bout du compte ? On a même pensé à Alger, on a même pensé à Vichy, voire à Lourdes. Alger, pour des raisons d'accueil. Je ne savais pas, mais Alger, oui. Ah oui, pour des raisons d'accueil, mais aussi dans le cas d'Alger, pour une raison géopolitique, hein, de montrer à Mussolini qu'en Méditerranée, la France était présente. Donc on est vraiment dans cette idée du soft power qui se développe, donc d'une diplomatie culturelle qui s'invente à ce moment-là. Pourquoi Cannes l'emporte-t-il? Pour une raison qui est simple, tout en étant double, c'est-à-dire que Cannes, comme vous l'avez très bien exprimé dans le récit qui précédait, l'emporte parce que Cannes est certainement la ville qui le veut le plus et qui met les moyens financiers en face de ce désir de festival. L'autre raison, c'est que Cannes est déjà une ville de cinéma, ou plus exactement la French Riviera. Ça existe, ça a du sens, il y a des studios à Nice, à la Victorine. Il y a par ailleurs le fait que en villégiature, les stars hollywoodiennes et françaises passent sur la Côte d'Azur une partie de leur été. Donc Cannes est une terre déjà de cinéma. Il y a les moyens et l'envie des grands hôteliers, et en particulier ce personnage clé d'Henri Gendre, qui se trouve être par ailleurs le père de Louis Jourdan, le futur grand acteur français, avec une carrière hollywoodienne plus que française certes, mais on voit bien qu'on est dans un monde de cinéma et qu'il y a envie de cinéma sur la Côte d'Azur. Et pourquoi le festival ensuite, Festival de Cannes, est-il devenu le plus prisé au monde, le plus prestigieux? Est-ce que c'est juste une histoire de programmation qui serait plus riche qu'ailleurs, ou il y a autre chose? Alors, c'est vrai que c'est une forme de surprise, puisque dès 1946 redémarre l'histoire du Festival international du film à Venise aussi. Il va y avoir quelque temps une alternance entre Venise et Cannes. Les Américains reviendront bien entendu à Venise. Donc ce qui peut-être permettre d'expliquer un tel succès, c'est certainement qu'il y a une forme de déclassement malgré tout de l'Italie par rapport à la France en termes de destination immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi le fait qu'en termes de production, la France est un pays bien plus producteur de films, même si le rayonnement du néo-réalisme italien est considérable, du côté donc de la production. Et c'est aussi parce que des habitudes vont finir par se prendre, et qu'un lien avec tout le milieu artistique et littéraire. Faut songer qu'à la fois Jean Cocteau, par exemple, ou Marcel Pagnol vont être parmi les présidents de ces jurys cannois. Je pense qu'il y a prestige qui va être plus grand, et des habitudes, une fois prises, seront plus fortes. Il faut ajouter aussi, et ça n'est pas rien, que c'est à Cannes aussi que va se déployer le plus grand marché de cinéma, au sens du marché économique. Et que ce qui fait la force de Cannes, c'est d'être à la fois un lieu, et on le voit jusqu'à nos jours, où le marché du film est le plus dense au monde, sur ces 15 jours, le lieu où les stars ont le plus envie peut-être de venir monter les marches, et puis un lieu où la politique, et jusqu'à nos jours, n'a jamais cessé d'être là, soit par le choix de type de président de jury ou de certains palmarès. Donc on a les trois à la fois. Et c'est ça qui fait de Cannes, c'est qu'il y a la force de Cannes qu'à nos jours, on a les trois éléments réunis. Et la politique en résonance avec sa naissance, hein, dans un contexte très très politique, effectivement. Je voudrais qu'on termine avec Jean Zay. Parlons un peu de ce grand homme. Vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de Jean Zay, qui est entré au Panthéon, je le rappelle, en mai 2015. Alors on va pas, je vais pas vous poser la question de savoir comment résumer cet homme, sa vie, son œuvre. On n'a pas assez de temps. Mais qu'est-ce qu'on retient de lui? Qu'est-ce qu'il faut retenir de lui? S'il y a un élément ou deux à retenir, un élément essentiel de cet homme. Moi, je dirais ce qu'on peut retenir de lui, c'est le fait qu'il incarne la jeunesse de la République. Vraiment, la jeunesse de la République, ça signifie que dans son temps, qui est un temps extrêmement compliqué, dur, il ne se trompe pas dans ses engagements, au sens où il est antifasciste et anti-munichois, là où d'autres ne le sont pas, ou pas avec la même force. Il a par ailleurs l'idée que la République, la démocratie, doit être une République qui se défend, et que la démocratie, ça doit s'enseigner comme un régime qui se défend, et comme étant un régime qui se défend, il a aussi, c'est peut-être une jeunesse de la République jusqu'à nos jours, l'idée au fond que le Parlement doit être fort, ou en tout cas solide face au pouvoir personnel, oui, à quel qu'il puisse être. Et ça, en ce sens-là, Jean Zay est pas évidemment quelqu'un qui est un homme du passé. Malgré sa voix, vous avez entendu, il a la voix très Troisième République, mais ses idées... lisez Souvenirs et Solitude, le livre exceptionnel qu'il a rédigé en prison. C'est fait. Il est plein et c'est aussi, pardon, je vous coupe un peu parce que nous n'avons plus le temps, mais c'est aussi l'incarnation du courage. Il y a ce deuxième élément, évidemment, très important. Ouais. Merci infiniment, Olivier Loub. Au revoir. Merci à vous, Fabrice Ouel. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la création du Festival de Cannes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.